Vie d'Alessandro Botticelli. C'est au temps du magnifique Laurent le Vieux de Médicis, temps qui fut vraiment un siècle d'or pour les artistes et tous les hommes d'intelligence, que fleurit Alexandre, appelé, suivant notre usage florentin, Sandro, et surnommé Botticello, pour un motif que nous verrons tout à l'heure. Il était fils de Mariano Filippi, citoyen de Florence, qui l'éleva avec un grand soin et le fit instruire dans toutes ces choses que l'on a coutume de faire apprendre aux enfants avant de les mettre en apprentissage. Et le petit Sandro, tout en apprenant sans aucune peine tout ce qu'il voulait, n'en était pas moins toujours inquiet. Aucune école ne le satisfaisait pour apprendre à lire, à écrire, ni à calculer, de telle sorte que son père, en désespoir de cause, fatigué de lui voir un cerveau aussi extravagant, le mit en apprentissage chez un orfèvre, son cousin, appelé Botticello, et qui était alors un maître fort habile dans son art. Or, il y avait à cette époque une très grande union et comme une familiarité continuelle entre les orfèvres et les peintres. Et ainsi Sandro, qui était d'un esprit très adroit et qui s'était tourné tout entier vers le dessin, se prit de passion pour la peinture et résolut de se consacrer à cet art. Ce qu'apprenant son père, qui connaissait le caractère de son fils, le conduisit chez Fra Filippo, de l'ordre des Carmélites, qui était alors un des peintres les plus excellents et s'entendit avec lui pour que Sandro, comme il le désirait, reçût de lui des leçons de peinture. Le jeune homme se livra donc tout à cet art, et il suivit et imita si parfaitement son maître que Fra Filippo s'attacha à lui et lui donna de si bonnes leçons que bientôt Sandro s'éleva à un degré de talent où personne ne l'aurait supposé capable d'atteindre. Il peignit, dans sa jeunesse, pour la Mercatanzia de Florence, une figure du courage destinée à faire partie de la série des Vertus, que l'on avait commandée à Antoine et à Pierre del Polaruolo. À l'église San Spirito de Florence, pour la chapelle des Bardi, il peignit un tableau très soigné et bien achevé, où il y a des olives et des palmes figurées avec beaucoup de goût. Pour l'église des religieuses de l'ordre des Convertites, il peignit un tableau et un autre pour celle de Sainte-Barbe. Dans l'église des Ognissanti, il peignit à fresque, à côté de la porte qui donne dans le cœur pour la famille des Vespucci, un Saint-Augustin, où il s'efforça de dépasser tous les peintres de son temps et en particulier Dominique Ghirlandaio, qui, de l'autre côté de la porte, avait peint un saint Jérôme. Et ce travail lui valut grand honneur, car il réussit à exprimer, dans le visage du saint, cette profonde méditation et cette subtilité très aiguë qui doivent se trouver chez les hommes de grande pensée, continuellement abstraits dans l'investigation des choses les plus hautes et les plus difficiles. Cette fresque a été changée de place en la présente année 1564, mais sans subir aucun dommage ni dégradation. Étant ainsi venu en crédit et en renommée, Sandro reçut de la confrérie de la Porte Notre-Dame la commande de peindre pour l'église Saint-Marc un tableau représentant un couronnement de la Vierge avec un cœur d'ange, œuvre qu'il dessina et acheva parfaitement. Il peignit aussi plusieurs choses pour Laurent le Vieux, à la Casa Medici, et surtout une palace, plus grande que nature, montée sur un bouclier et entourée de branches d'où jaillissent des flammes, et puis encore un Saint-Sébastien. Dans l'église Sainte-Marie-Majeure de Florence, il y a de lui une très belle Pietà, avec de petites figures auprès de la chapelle des Panceatici. Il fit aussi de petits tableaux ronds pour diverses maisons de la ville, comme aussi des figures de femmes nues, parmi lesquelles on peut voir encore dans la villa du duc Côme, à Castelio, deux tableaux dont l'un représente une naissance de Vénus, et les brises et les vents qui la font venir sur terre avec les amours. Et l'autre nous fait voir comment une autre Vénus, que les grâces s'occupent à couvrir de fleurs, de manière à annoncer le printemps. Et ces figures ont été rendues par Sandro avec beaucoup de grâce. Dans la maison de Jean Vespucci, qui est dans la rue des Servites, et où demeure aujourd'hui Pierre Salviati, il peignit tout autour d'une chambre plusieurs tableaux, artistement encadrés de noyers, avec maintes figures très vivantes et très belles. Pareillement, dans la maison de Pucci, il représenta en petites figures sur quatre tableaux la nouvelle de Nastagio degli Onesti, racontée par Boccace. Il le fit avec un art plein d'agrément et de beauté. Il peignit aussi, pour la même maison, un tableau rond représentant l'adoration des mages. Pour une chapelle de l'église des moines de Cestello, il peignit sur bois une annonciation. Dans l'église de Saint-Pierre-Majeur, près de la porte latérale, il peignit sur la commande de Mathieu Palmieri une Assomption de la Vierge, avec un nombre infini de figures. Il y représenta les zones du ciel où sont figurés les patriarches, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les martyrs, les confesseurs, les vierges et les hiérarchies célestes. Tout cela d'après un plan que lui avait fourni ce Mathieu qui était un lettré et un homme de grande valeur. Et il exécuta ce tableau avec maîtrise et avec une application et un fini merveilleux. Il y figura également, au bas, le donateur agenouillé ainsi que sa femme. Mais, bien que cet ouvrage fût très beau et tel qu'il aurait dû vaincre l'envie, il se trouva cependant des malveillants et des détracteurs qui, faute de pouvoir lui nuire par un autre moyen, affirmèrent que Mathieu et Sandro y avaient gravement commis le péché d'hérésie. Cela était-il vrai ou faux? Ce n'est pas de moi qu'on attendra un jugement sur ce point. Il me suffit de dire que les figures peintes là par Sandro méritent vraiment d'être louées pour l'application qu'il y a mise. Car c'était chose difficile de représenter les cercles des cieux, et d'y répartir tant de figures de saints et d'anges, avec des raccourcis et des points de vue divers. Et tout cela se trouve exécuté avec un dessin excellent. 2. Vers le même temps, Sandro eut à peindre un petit tableau avec des figures longues de 3/4 de coudée. Ce tableau fut placé dans l'église Sainte-Marie-Nouvelle, entre les deux portes, sur le mur principal de l'église, à gauche, quand on entre, par la porte du milieu. Il représente l'adoration des mages. Et la figure du premier vieillard, en train de baiser les pieds de notre Seigneur, est tout frémissant de tendresse et d'une expression très touchante, en même temps qu'elle atteste la satisfaction de l'heureux achèvement d'un très long voyage. Or, la figure de ce roi est le propre portrait de Côme le Vieux de Médicis. Et aucune autre image de lui, parmi celles qui sont parvenues jusqu'à nous, n'est aussi vivante ni aussi naturelle. Le second des rois mages, dont la figure est le portrait de Julien de Médicis, père du pape Clément VII, nous le voyons appliqué de toute son âme à rendre dévotement hommage à cet enfant, à qui il offre ses présents. Quant au troisième, qui est aussi à genoux, nous voyons que, tout en adorant l'enfant, il lui rend grâce, et le proclame le véritable Messie. Et pour celui-là, Sandro a peint le portrait de Jean, fils de Côme. Impossible de décrire la beauté que le peintre a mise dans les têtes de ces personnages, lesquels sont tournés en maintes attitudes diverses, les unes de face, d'autres en profil, les unes droites, d'autres inclinées, et ainsi de suite, sans compter la diversité des âges, et toutes les singularités les mieux faites pour nous révéler la perfection de la maîtrise du peintre. Et celui-ci a encore distingué les suites des trois rois de manière à ce que nous comprenions quels sont les serviteurs de l'un et ceux des autres. Aussi bien, toute son œuvre est-elle si admirable, et par son coloris, et par son dessin, et par le fini de son exécution, qu'il n'y a pas un artiste d'aujourd'hui qui n'en reste émerveillé. Et alors Sandro obtint une telle renommée, autant au dehors qu'à Florence, que le pape Sixte IV, ayant fait construire la chapelle de son palais à Rome et voulant la faire peindre, ordonna que Sandro eût la direction de ce travail. Il peignit de sa main dans cette chapelle sixtine les histoires suivantes. Le Christ tenté du démon. Moïse tuant un Égyptien et recevant à boire l'eau que lui présentent les filles du Madianite, Jéthro. Le feu du ciel descendant sur les fils d'Aaron pendant leur sacrifice. Et enfin, des figures de papes béatifiés dans des niches au-dessus des histoires susdites. À Rome, Sandro s'acquit encore plus de renommée parmi les nombreux concurrents qui travaillaient avec lui, aussi bien florentins qu'originaires d'autres villes. Il reçut également du pape une bonne somme d'écus, mais qu'il dispersa d'un seul coup et dépensa jusqu'au dernier pendant son séjour de Rome, pour vivre au hasard comme c'était son habitude. Et puis, lorsqu'il eut achevé la partie des peintures qui lui était attribuée et qu'il l'eut découverte, il s'en retourna brusquement à Florence. Là, Étant naturellement d'esprit sophistique, il commenta une partie du poème de Dante et illustra l'enfer, et le mit en gravure, ce à quoi il consuma beaucoup de temps, négligeant ainsi sa peinture, ce qui fut cause de désordres infinis dans sa vie. Il grava encore plusieurs autres de ses dessins, mais de mauvaise façon, parce que l'entaille du cuivre était mal faite. La meilleure gravure qui se voit de sa main est « Le triomphe de la foi de frère Jérôme Savonarole » de Ferrare. De la secte de ce moine, Sandro fut un partisan si zélé que cela fut cause qu'il abandonna la peinture, et n'ayant point de ressources pour vivre, fut précipité dans un extrême embarras. En effet, étant obstinément attaché à ce parti, et faisant, comme l'on disait alors, le piagnone, il se déshabitua de travailler, de sorte qu'à la fin, étant déjà vieux, il se trouva si pauvre qu'il serait presque mort de faim si Laurent de Médicis et d'autres amis, et mains hommes de bonne position qui s'intéressaient à son talent, ne l'avaient secouru. Et le fait est que, pour Laurent de Médicis, entre autres choses, il avait beaucoup travaillé au Spedaletto, petit hôpital de Volterre.